Un espace de création affranchi des codes, l'expérience. Aurélie Charron. L'expérience lance son premier podcast original en 3 épisodes, Les enfants de Duras. Léa Capuano a retrouvé ceux qui avaient 6 ans en 1967 et qui avaient répondu aux questions de Marguerite Duras pour l'émission Comme il vous plaira sur France Culture. Un demi-siècle plus tard, ils se retrouvent dans leur école rue Saint-Benoît à Paris et re-répondent aux questions. Est-ce que tu voudrais être grande ? Il n'y a pas des choses comme ça qui t'étonnent ? Les enfants de Duras, le premier podcast original de l'expérience, à télécharger sur franceculture.fr et les plateformes de podcast. Deuxième temps ce mardi de notre série sur l'histoire du football à l'occasion du 100e anniversaire de la création de la Fédération française de football. Mais il n'y a pas que les anniversaires qui nous autorisent à parler de football dans la fabrique de l'histoire, car nous sommes à quelques semaines de la Coupe du Monde de football féminin qui se tiendra en France à partir du 7 juin prochain. Et nous nous intéressons donc ce matin dans notre émission d'archives à l'histoire de ce même football féminin avec Victor Massé de l'Épinay de la fabrique de l'histoire. Et puisque nous sommes mardi, eh bien, nous allons avoir des textes et des archives, des textes qui seront lus par Mélodie Auru et qui seront commentés par nos invités. Thierry Théré, il est délégué ministériel aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Il est historien du sport et en particulier pionnier de l'histoire du genre appliquée à l'histoire du sport. Il est auteur d'une histoire du sport qui vient de paraître pour sa 6e édition en collection Que sais-je. Paul Guetschi est également avec nous. Il est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté. Lui, il est un pionnier de l'histoire du football en France. Il est auteur d'une histoire du football publiée chez Tempus. Et Camille Martin est notre dernière invitée. Elle est docteure en sociologie au centre Max Weber à l'École normale supérieure de Lyon. Elle est spécialiste justement de la sociologie du football féminin, en particulier des relations entre les formateurs de l'équipe des équipes de football féminin et justement la structure nationale, la structure ministérielle. Mesdames et messieurs, Ada Egerberg. Grande première dans l'histoire du Ballon d'Or cette année. Il se conjugue au féminin, avec le sacre de la Lyonnaise Ada Egerberg, première femme à soulever ce trophée. Entrer dans l'histoire, être la première femme à remporter le Ballon d'Or est un grand moment dans ma vie. Et cela me motive pour les années à venir. Premier Ballon d'Or féminin, premier malaise dans l'Assemblée. Avec l'intervention du DJ français Martin Solveig, qui demande à la lauréate de twerker. Une danse sensuelle au déhanché explicite. Est-ce que tu sais twerker ? Non. Ok, alors on a choisi quelque chose d'autre. Tollé sur les réseaux sociaux, l'animateur taxé de sexisme s'est excusé. Bonjour Victor Massé de l'Épinay. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous Camille Martin, merci d'être avec nous. Bonjour à vous Thierry Théré. Bonjour. Et bonjour Paul Guetschi. On a l'impression, Paul Guetschi, que ça n'a pas beaucoup bougé depuis les années 20. On lira quelques textes des années 20 à propos de ce football féminin. Mais effectivement, pour le premier Ballon d'Or, c'était en décembre dernier, le 3 décembre dernier, eh bien, pour cette remise du Ballon d'Or, le maître de cérémonie, Martin Solveig, n'a pas hésité justement à demander à la jeune footballeuse brillante qu'était Ada Egerberg, qui joue à Lyon, de twerker, donc de danser avec ses fesses d'une certaine façon devant le public essentiellement masculin qui se trouvait là. Oui, les préjugés masculins restent forts, même si les registres changent. Hein. Au début des années 20, c'est plutôt éviter de voir des femmes un peu dénudées en short courir après un ballon et menacer finalement leur corps et leur futur de mère. Aujourd'hui, on essaie de les assimiler finalement aux représentations très sexistes, sexuées du rap ou de ces musiques. Bon, ça veut dire un peu toujours la même chose finalement. Que font ces femmes au milieu du football ? Oui, Thierry Théré, vous qui êtes spécialiste à la fois d'histoire du sport et d'histoire du genre, ça vous intéresse un bug comme celui-ci dans le domaine du football. Oui, c'est un très bel exemple de ce qu'on appelle l'assignation de genre, où l'invitation qui est faite au Ballon d'Or est de renforcer les stéréotypes de la féminité, mais les stéréotypes les plus anciens, sexués, érotisés, et d'une certaine manière, on voit bien toute la bascule qui s'est opérée en un peu moins d'un siècle entre l'invisibilité dans lesquelles étaient confitées les femmes, et la visibilité, mais une visibilité dans laquelle il faut montrer sa sexualité, sa dimension traditionnelle féminine. Camille Martin, quand on s'intéresse à cette histoire en tant que sociologue, vous êtes sociologue, et je le précise bien autour de ce micro, vous n'allez pas vous mêler de questions d'histoire, vous m'avez dit je ne veux pas parler d'histoire parce que je ne suis pas historienne, mais tout de même ces questions de préjugés sur ce sport féminin, etc., sont très présentes dans votre propre travail. Puisqu'on y voit des volontés ministérielles d'aller à l'encontre de ces préjugés, on y voit une politique qui est mise en œuvre, on la détaillera avec vous un peu plus tard. C'est donc qu'il y a d'un côté une société qui a des a priori, de l'autre côté un gouvernement ou des gouvernements qui veulent aller à l'encontre de ces a priori, et il est parfois difficile de faire coïncider les deux, Camille Martin. Oui, je pense qu'il y a effectivement dans la politique de développement du football féminin toujours un peu cette tension entre essayer de créer des dispositifs spécifiques qui seraient adaptés aux d'éventuelles particularités des femmes qui sont en fait assez naturalisées, et puis au contraire la volonté d'intégrer les femmes dans les dispositifs masculins existants, stratégie qui permet peut-être plus la reconnaissance de l'activité sportive féminine dans la mesure où le masculin reste en fait l'étalon de la légitimité sportive, et donc faire ressembler les pratiques féminines aux pratiques masculines est certainement le moyen de les faire reconnaître plus efficacement. Alors ça justement, ça n'était pas évident à la naissance de ces sports au tournant du 19e et du 20e siècle, Paul Dietschy, parce que il faut se souvenir, et peu de gens le savent s'ils n'y ont pas travaillé d'une manière ou d'une autre, que ces sports étaient généralement mixtes dans les premiers débuts, entre la fin du 19e et la guerre de 14, et même un tout petit peu après, quand on pouvait pratiquer équipe féminine mélangée avec équipe masculine, et que c'est de là d'où vient justement cette histoire du sport féminin, une mixité qui était relativement naturelle au tout début, qui s'est ensuite durcie avec l'interdiction de la mixité et même la suppression de certains de ces sports. Alors la mixité dans le sport, elle est présente quand même dans quelques sports très circonscrits. Le tennis en est un très bon exemple, ou alors évidemment des sports comme l'équitation, comme donc des sports qui représentent quand même des plaisirs de l'aristocratie. Si on prend les sports athlétiques, hein, et le football en est un, il est clair que dès le départ c'est un sport quand même qui est essentiellement masculin. Et dès les années 1890, il y a une aventurière britannique qui s'appelle Florence Dixie qui tente de créer une équipe de football qui a un succès, sans doute, on pourra y revenir, parce que on voit des jeunes femmes justement en short courir sur un terrain, mais c'est très vite interdit par la Football Association en Angleterre. Donc le foot a quand même été très tôt séparé entre hommes et femmes, et quand les femmes jouaient, on a essayé très vite évidemment de les faire disparaître. Oui, mais quand les premières équipes féminines naissent, en particulier au tournant de la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, entre 1917 et 1920, eh bien on va les faire s'affronter à des équipes de jeunes lycéens par exemple, parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses pour pouvoir s'affronter entre elles. Oui. Il n'est pas interdit en tous les cas de voir jouer sur un même terrain des jeunes garçons et des jeunes filles. Mais avec des classes d'âge évidemment qui sont différentes. Hein. Mais il n'est pas question bien évidemment de faire jouer des seniors masculines contre des seniors féminines. Oui, Thierry Théré. Oui, d'ailleurs plus généralement le discours dans ces années 20 en direction des enfants est assez proche de celui qu'on trouve en direction des femmes, et que concrètement les uns et les autres puissent être sur un même terrain est assez logique. En revanche, il n'y a pas de mixité dans ces années, en effet, pour les générations adultes. Et quand bien même on remonterait une génération plus loin, plus en amont, à la fin du 19e siècle, la mixité ne concerne que les pratiques des franges les plus élitistes de la société, ces pratiques de l'aristocratie. Mais dans la bourgeoisie, non. Il y a une séparation très stricte des sexes, quelle que soit quasiment l'activité physique. Aussi bien les activités dites douces que les activités plus douces, plus fortes, sorte collective intense. Il y a un nom qui revient naturellement parce qu'il est très souvent cité ces temps-ci, c'est le nom de Violette Maurice, qui pratique beaucoup de sport, qui va aussi être donc dans des sports masculins, combattre des hommes dans certains de ces sports, parce que aussi une des particularités de Paul Dietschy dans ce début de XXe siècle, c'est que on ne se spécialise pas dans un sport. On peut être dans l'athlétisme, dans le tir à l'arc, dans la course automobile et aussi faire partie des équipes de football. On est encore, c'est vrai, dans le temps des sportsmen ou sportwomen, hein, qui peuvent piloter une voiture, jouer au tennis, jouer au football, etc. Et c'est vrai que le football fait partie des sports athlétiques. Donc, il y a souvent l'été, les footballeurs ou footballeuses peuvent participer à des compétitions d'athlétisme. Donc, il n'y a pas cette spécialisation qui existe évidemment aujourd'hui. Victor Massé. Jeudi, dans le documentaire de la Fabrique de l'Histoire, on évoquera la figure de Jules Rimet. Peut-être qu'il faut dire que le premier match de football féminin a donc eu lieu en France en 1917. Le premier match international, c'était un France-Angleterre en 1920. Et vous disiez tout à l'heure, Paul Dietschy, que l'Angleterre était fermement opposée, même interdit le football féminin, de même que la Belgique. Jules Rimet, lui, assistait à ce second match France-Angleterre qui a eu lieu donc de notre côté de la Manche, au bois de Boulogne. Jules Rimet n'était pas hostile dans le principe au football féminin. Alors il y a plusieurs aspects à mon avis dans sa présence. D'abord, ce football féminin, il se développe beaucoup pendant la Première Guerre mondiale autour des munitionnettes, donc d'ouvrières de l'industrie d'armement. Ces équipes, eh bien, deviennent en quelque sorte un élément de spectacle, un sport spectacle qui renaît après la guerre. Un moment en plus où le football est en pleine recomposition en France. On l'a dit, c'est le centenaire de la Fédération Française de Football. La France est un petit peu en retard quand même du point de vue du développement du football. Donc si Rimet est là, c'est certainement pour eh bien attester de ce développement du football féminin et faire attention aussi à ce que une fédération féminine ne se développe pas et surtout ne fasse pas concurrence à la fédération française qu'il représente et aussi à la FIFA, à la tête de laquelle il vient d'être élu. Thierry Théré, il n'y a pas que l'anniversaire de la fédération française. En 1919, il y a l'anniversaire du premier championnat de France, puisque c'est en mars 1919 que les deux seuls clubs existants, Féminin Sport et En Avant, vont pouvoir combattre dans un premier championnat de France, donc en 1919. Oui, on est dans l'immédiate après-guerre, un moment un peu clé du sport féminin, c'est quasiment l'apogée. Et par la suite, on sait que dans la société française, se produit une sorte de réaction à cette illusion de liberté que les femmes ont connue pendant les années de tranchées. Illusion bien décrite par Anne-Marie Sonne, par exemple, pour ne prendre qu'un cas. Et les instances fédérales réagissent en bloquant, en confinant les femmes dans des lieux d'invisibilité, en les tolérant plus qu'en autorisant leurs pratiques. Alors, il y a déjà beaucoup d'écrits à ce moment-là, et vous en avez fourni quelques-uns pour préparer cette émission. Paul Dietschy, en voici un de 1921 qui n'est pas défavorable justement au football féminin, lu par Mélodie Auru. Ces temps derniers, on a vu la femme chausser la bottine à crampons et revêtir le maillot du footballeur. On a ri. C'était inévitable. Puis, comme la persévérance désarme, on s'est mis à philosopher, à moraliser, à critiquer. Que n'a-t-on pas dit et écrit à ce sujet ? Faut-il rappeler tous les lieux communs, débités, et dans lesquels on proclama que l'ange du foyer devait bel et bien rester à la maison et ne pas participer au délassement masculin, surtout lorsqu'il se passe en dehors du home. On a gémi sur les pianos devenus silencieux, sur les aquarelles délaissées, sur les broderies abandonnées. Et le dédain masculin se voilant de pitié, on a déploré que l'être de grâce, d'élégance et de charme qu'est la femme ne risque de perdre à la pratique de sports violents comme le football tant de qualités raffinées et de subtiles vertus. Rien n'y fit. La femme pratique le football association. Quel est tort physiologiquement parlant, nous n'en savons rien. Aussi bien la faculté, qui semblerait seule compétente en la matière, émet naturellement sur ce point des avis divers. Nous nous garderons donc bien de prononcer un jugement prématuré que l'avenir seul pourra porter. Mais si l'on considère le football féminin au point de vue social, n'est-on pas en droit de conclure qu'il est une des manifestations du féminisme ? Quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse, on n'empêchera pas que la femme ne s'efforce de se hausser chaque jour davantage au niveau de l'homme. Elle se résigne de moins en moins à rester à la maison. Elle est devenue dactylographe, chef de gare au métro, comptable, avocat, ingénieur même. Fatalement, elle devait s'adonner au sport et au football. Est-ce à dire que la vie d'intérieur, que le foyer doivent être sérieusement menacés ? Nous ne le croyons pas. Et là encore, nous laisserons à l'avenir le soin de juger, puisqu'aussi bien il n'y a pas moyen de faire autrement. Faut-il craindre que la pratique du football nuise à l'élégance féminine ? Pour notre part, nous dirons oui. Et si d'autres sports, comme le hockey, le tennis, le patinage, la course ou les sauts même, peuvent convenir à la femme, le football, tel que nous le concevons, ne saurait lui être bien utile. La rudesse de ce sport et la vigueur qu'il exige sont des qualités viriles qu'il n'est pas souhaitable de voir la femme acquérir. Elle vote, ou votera, elle lutte, elle travaille, c'est entendu. Et pour tout cela, la santé est nécessaire. Mais encore une fois, la santé peut être acquise pour elle autrement que par le football. Voilà un premier texte, Victor Massé de l'Épinay. Oui, beaucoup de questions sont soulevées dans ce texte, des questions sociales, des questions politiques, les stéréotypes de genre dont on va parler. Je voudrais venir sur un petit mot qui a été prononcé dans ce texte, c'est le mot physiologie, puisque c'est une des questions centrales au sortir de la Première Guerre mondiale. En particulier, vous l'avez très brièvement évoqué, Paul Gietschy, la question de la maternité pour les femmes et ce grand débat, est-ce que le football est nocif aux femmes, les empêche de devenir mère. Il y a des études physiologiques très poussées. Je voudrais peut-être amener tout de suite une figure dont il faut parler aussi, qui est importante, c'est la figure d'Alice Mia, qui a dirigé la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France, la FSFSF, qui a été créée en 1918, Alice Mia, qui expliquait quant à elle qu'elle était pour la grande politique nataliste du sortir de la Première Guerre mondiale et que le football permettait justement de créer des femmes robustes qui seraient des mères de familles nombreuses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, Paul Gietschy, comment cette question physiologique et en particulier cette question de la maternité s'est posée dans ces années 20 pour le football féminin? Alors, ce qui est dit évidemment, c'est... Il est rappelé que le football est un sport viril. Et c'est vrai que c'est un des éléments quand même qu'on retrouve dans tous les discours sur le football, c'est que c'est une virilité moyenne, pas aussi forte que pour le rugby, mais que les femmes notamment craignent de prendre des coups. Alors si elles craignent de prendre des coups, c'est aussi parce qu'elles veulent protéger évidemment leur capacité procréatrice. Ce qui n'est pas tout à fait d'ailleurs dans le texte de Père Faircorn. Hein. Il joue plutôt sur le registre finalement de l'élégance et de code finalement de genre plus que sur cet aspect-là. Oui, il dit que la faculté n'a pas tranché. Voilà, donc il évite de trancher. Thierry Théré, est-ce que cette question se pose concomitamment dans ce sport-là et dans tous les autres sports à la sortie de la Première Guerre mondiale, ou est-ce que le football a un sort différent des autres sports qui sont pratiqués par les femmes ? Donc globalement, le texte que nous avons eu tout à l'heure témoigne assez bien, assez fidèlement de l'ensemble des discours, aussi bien de la classe politique que des scientifiques, en direction des femmes qui osent affronter l'ordre du genre, l'ordre masculin, la domination masculine. Et on voit bien dans ce texte que ce qui dérange fortement, c'est à la fois la remise en cause des rôles traditionnels de mère et d'épouse, donc à la fois le risque que fait encourir la pratique sportive à la maternité, mais aussi le risque de devenir laide, le risque inesthétique lié à la pratique du football. Alors, ce qui est très particulier, et Laurence Prudhomme-Poncet, dans son histoire du football féminin, qui est parue donc aux éditions de l'Harmattan, dans la très bonne collection Espace et Temps du Sport, nous le rappelait, c'était le début du millénaire, puisque je crois que c'est paru en 2003, je crois, oui. Ce travail. Ce qui est tout à fait particulier, c'est que ce football féminin, tout de suite après la guerre, attire. Il y a à la fois des femmes qui veulent le pratiquer, mais il y a aussi un spectacle. Il y a aussi de nombreux spectateurs qui s'y précipitent. Ce sont souvent des 20 à 25 000 personnes qui se rendent dans les stades pour pouvoir aller voir ce football féminin, Thierry Théré. Oui, ces années 20 sont celles des premiers stades, la première mise en spectacle des grandes parties de sport collectif. Mais quand on analyse les photographies de l'époque, on voit que la présence féminine est très faible, est très limitée, encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais j'avais fait des comptages, c'est de l'ordre de 1 pour 1000, vous voyez. Donc le football devient un spectacle, mais reste un spectacle masculin. Paul Dietschy. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve d'une certaine manière la configuration du début des années 2010. C'est un moment où le football français est quand même en crise. L'équipe nationale est à un faible niveau. Donc les femmes apparaissent en général quand les hommes sont en retrait. Alors il y a certainement aussi dans ce succès une recherche un peu égrillarde d'aller voir ces jeunes filles, hein, courir après un ballon. C'est la garçonne finalement qui envahit le terrain de football. Et ce qui, pour revenir une dernière fois au texte, ce qui est intéressant, c'est que Pfeffer Korn, lui, c'est un ingénieur au départ, donc il est sensible aussi à ces évolutions sociales, au fait que les femmes prennent la place aussi des hommes dans différents métiers. Même si on sent aussi, alors c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est que Pfeffer Korn écrira dans Candide dans les années 30. Donc il est quand même à la fois partagé entre un certain modernisme et aussi proche de l'extrême droite, ouais. Il faut dire. Victor Massé-Dépine. Alors donc le football féminin connaît un premier âge de développement, en tout cas après la Première Guerre mondiale dans les années 20. Il y a un championnat de Paris qui est créé en 1921 avec tout un certain nombre d'équipes. Donc on peut noter peut-être quand même, pour continuer sur ces questions de danger pour le corps, que le terrain est plus petit, que le ballon est plus léger, que le temps de jeu est plus court, les matchs durent une heure. Tout ça est organisé par cette Fédération des sociétés féminines sportives de France, la FSFF. SF. Vous nous disiez tout à l'heure, Paul Dietschy, que Jules Rimet voulait garder la main sur le football féminin. Pourtant, cette fédération des sports en France, cette fédération féminine existe déjà. Comment est-ce qu'elle s'est créée? Comment est-ce que, dans ces années 20, se jouent les rapports entre la FIFA et la Fédération française de football, si elle existe déjà, et cette fédération féminine? Alors, la réponse est simple, il n'y en a pas. Hein, c'est-à-dire que il n'y a pas de rapport. Hein, c'est que les hommes refusent absolument de reconnaître. Mais si Jules Rimet est là, c'est qu'il veut quand même avoir un certain regard sur l'affaire. Alors, évidemment, ces années 20, vous l'avez dit, Thierry Théré, tout à l'heure, sont des belles années au tout début. Elles vont mal se terminer, d'une certaine façon, pour le football féminin. Un texte qui date, je crois, de 1927, c'est ça, Paul Dietschy? Oui, c'est que ça. Vous avez fourni. On l'écoute, lu par Mélodie Auru. Il ne faut pas envisager pour la femme la pratique du football telle que l'homme l'entend. Si les terrains sont moins grands, si les ballons sont plus petits, si le règlement est modifié et qu'il supprime par exemple les charges, on ne voit pas bien ce qui pourrait s'opposer à ce que les femmes s'adonnassent au football. Mais précisément, il ne s'agirait plus alors de football association proprement dit. Quoi qu'il en soit, le football féminin est un fait. Et voilà que des championnats régionaux sont organisés. C'est encore l'Angleterre qui nous a donné l'exemple. Depuis longtemps, les femmes s'y sont livrées à la pratique de l'association. Mais la France, à son tour, fait œuvre de propagande. Nos clubs féminins sont conviés en Suisse et en Italie, où ils sont fêtés et choyés. Le football féminin, si jeune encore, a déjà connu les plaisirs du schisme et du désaccord. Il a ses dissidentes. Mais ne croyez pas qu'il s'agisse de deux écoles différentes, de deux points de vue opposés. Non. Ce n'est qu'une question de tapis vert, de procédure. Et nul doute que nous voyons bientôt se réconcilier les sœurs ennemies. Il est indéniable que le football féminin connaît quelques succès. Les rencontres qui opposent les sociétés les plus importantes entre elles, ou qui mettent aux prises des sélections d'Angleterre et de France, attirent de nombreux spectateurs. Il n'est pas encore possible de dire s'il ne s'agit là que d'une curiosité plus ou moins déplacée, ou d'un témoignage de réel intérêt. Cependant, il faut convenir que les joueuses de football ont leur public. Alors, c'est le temps du backlash, du retour de bâton, c'est-à-dire un grand succès dans les années 20, et puis ensuite, dans les années 30, ça va mal se passer. Déjà, les fédérations se tirent entre elles, pourrait-on dire, d'après ce texte, mais il y a aussi une sorte de reflux du nombre des joueuses, une sorte de disparition des clubs en région, pour se centrer autour des grosses villes, en particulier de la région parisienne, et donc c'est à partir de ce moment-là que ça va commencer à aller un peu plus mal, en l'occurrence, Paul Gnecchi et Thierry Théré. Oui, alors c'est très bien expliqué dans le livre de Xavier Breuil, hein, l'histoire du football féminin en Europe, qui est paru en 2011. Il y a d'abord l'attaque des fédérations masculines. Hein, dès 1921, la Football Association en Angleterre interdit à ses membres de prêter des terrains et d'aider les footballeuses. Oui, donc il y a une véritable politique de blocage. Voilà. En Italie, dans la politique sportive fasciste, Leandro Arpinati, qui est le président de la fédération italienne, accorde le droit aux femmes de jouer au football, mais seulement derrière des murs, cachés. Sans public. Hein, sans public. Donc, il y a tout un contexte européen qui fait qu'il y a ce retour à l'ordre qui a lieu et qui va faire que les joueuses vont se rétracter, y compris en France. Thierry Théré ? Oui, deux stratégies, en gros, dans l'entre-deux-guerres. L'une qui est l'interdiction, avec l'exemple notamment de l'Angleterre, et l'autre qui est la stratégie de la récupération. Comment ? Eh bien, en ouvrant, pour certaines fédérations, la possibilité aux femmes de prendre une licence. Et dès lors, que se passe-t-il ? La FSFSF perd ses membres, tout simplement, parce qu'il a plus d'intérêt à être sous le contrôle d'une très grande fédération, forcément. Et le pic de cette chute, d'une certaine manière, est atteint en 1935-36, lorsque la Fédération française d'athlétisme coupe les vivres, accepte à la fois les femmes, et cela se poursuit par la fin des subventions de la FSFSF, qui disparaît tout simplement, et Alice Mia termine dans l'oubli le plus total. Oui, elle qui disait quand même dès les années 26-27, dans l'auto, je ne crois pas à l'avenir du foot féminin, j'y ai beaucoup cru auparavant, et je crois malheureusement que ça va mal se terminer. Victor Massé-Dépinay. Oui, parce qu'on insiste souvent, ou on lit souvent, quand on regarde l'histoire du football féminin en France, par exemple, que Vichy l'a interdit, mais il faut bien se rendre compte que c'était un mouvement qui avait commencé donc quelques années avant et qui va surtout se prolonger bien des années plus tard, puisque la Renaissance, début de Renaissance du football féminin en France, ça arrive longtemps après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à la fin des années 60. Oui. Je crois que ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il y a des concurrents. C'est-à-dire qu'en Angleterre, ça va être le hockey sur gazon, sur le continent et notamment en France, le basketball. Et sous Vichy, la fédération de basket quadruple ses adhérents, avec une partie notamment de femmes. Et évidemment, le basket apparaît comme beaucoup plus féminin, parce qu'on prohibe les contacts, c'est un jeu plus élégant, de grâce, on s'élève vers le panier. Et donc, vous allez avoir d'autres sports, finalement, collectifs, volleyball, basketball, qui vont apparaître comme éminemment féminins. Et d'ailleurs, c'est dans ces sports qu'auront lieu les premiers championnats du monde. Et c'est une drôle d'histoire, quand même, l'histoire du football féminin, avec ce moment un peu particulier des années 20, ensuite une disparition progressive dans les années 30, une disparition qui, comme vient de le dire Victor Massé-Dépinay, va durer très très longtemps et va renaître d'une drôle de manière, puisque ici même, Perrine Kervran et Charlotte Roux nous racontaient dans un documentaire qui était très intéressant les filles de Reims, et donc cette première équipe disons de niveau national à Reims, le Reims qui n'était plus celui de Coppa, Piantini et Fontaine, mais qui était celui de la fin des années 60, en 1968, où on avait fait une année, un tournoi exhibition avec des joueurs de foot qui étaient des nains, et puis l'année suivante, eh bien, on avait décidé de faire un tournoi exhibition avec des femmes, et malheureusement pour les organisateurs, ça n'était pas véritablement un tournoi exhibition, parce qu'elles avaient été bonnes, intéressantes, et elles avaient passionné le public, et elles étaient devenues une équipe de football. C'est ce que racontaient les filles de Reims, un petit extrait de ce documentaire de Perrine Kervran et Charlotte Roux. Gigi, le petit goal, sera l'une des vedettes de l'équipe féminine de football ce week-end à Reims. Donc vous étiez le gardien de but de l'équipe. Oui, mais je mesure 1m50, j'étais infernale parce que je suis sur 100 000 volts. Et il y avait des grandes différences d'âge dans l'équipe ? Énorme, énorme. Moi j'avais 15 ans, Mémé elle en avait 30. Mémé. Oui, on l'appelait Mémé parce qu'elle avait les cheveux gris. Alors que Michelle, c'est pareil, elle avait 5 ou 6 ans de plus que moi. Elle avait même un cri de guerre. Alors c'était 5, 5, 4, 5, 4, 9, 5, 4, 9, common. Allez Reims, nous allons gagner. Allez Reims, nous allons gagner. Oh là là là là, la pâtée. Voilà, c'était donc un extrait de ce documentaire qu'il faut réécouter sur le site de France Culture. Il est présent sur notre page, évidemment. Et il raconte cette lente renaissance, parce que ce n'est pas tout de suite que ça va renaître à partir de 1968. Pendant très longtemps, Reims va être l'équipe qui va dominer le championnat et même dominer l'équipe de France de football féminine, puisque en fait la majeure partie des membres de cette équipe étaient des joueuses de Reims, c'est ça Paul Dietschy? Oui, alors qu'il y a des premières coupes du monde hein, un peu sauvages, organisées par des promoteurs hein, qui recherchent évidemment un côté un peu sulfureux pour les amateurs de football de coupe du monde, c'est le stade de Reims qui va en Italie en 70, au Mexique en 71, mais en même temps une équipe qui est quand même reçue par la diplomatie française hein, avec tous les égards, parce qu'on considère que ces joueurs sont des ambassadrices. Mais ça montre aussi finalement un terreau de football féminin qui est encore assez réduit. Hein. Est-ce que c'est concomitant d'une naissance ou d'une renaissance d'autres sports féminins Thierry Théré dans ces années 1970 ou est-ce que c'est un peu particulier puisqu'il y a eu le basketball, on l'a dit, le volleyball qui pendant toutes ces années ont été présents comme sport féminin? Oui, sur fond d'une mouvance féministe qui trouve sa traduction à la fois politiquement et culturellement, Le sport devient une activité beaucoup plus pratiquée par les femmes. Mais, il y a un mais important, dans le cas du football, et je pense que Reims fait office d'exception ici, ce qu'on observe c'est une poignée d'équipes constituées ici et là, pas sur de façon pérenne, mais généralement pour un match, une exhibition, parfois en avant-match d'une pratique masculine. On est dans du folklore, davantage que dans du sport, quand bien même, en effet, quelques grandes compétitions pirates se mettent en place au niveau mondial et au niveau européen, mais le véritable déclencheur, il faut encore attendre une quinzaine d'années, ce sont les années 80. Oui, comme l'était d'ailleurs le match à la rigolade, comme on disait, à Humbécourt en 1965 dans la Haute-Marne, donc tel qu'il est décrit par Laurence Prudhomme-Poncet dans son livre sur l'histoire du football féminin. Victor Masset de l'Épinay. Oui, ces Coupes du Monde sauvages, il faut quand même signaler qu'en 71 au Mexique, il y avait 90 000 spectateurs qui assistaient à la finale. C'est quand même un chiffre qu'on n'a jamais eu en France, parce qu'on n'a pas de stade assez grand. Pour avancer un petit peu, dans les années 80, peut-être, je voudrais aborder maintenant, parce que le temps file, la question des États-Unis. Puisque aujourd'hui, quand on parle football féminin, la grande nation du football féminin, on peut dire, la plus titrée en tout cas, c'est les États-Unis. Alors il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur le rapport des États-Unis au football en général, puisque le soccer n'est pas un des sports nationaux des États-Unis. C'est en revanche un sport essentiellement féminin aux États-Unis. Je crois qu'il y a moitié-moitié dans les licenciés, autant de femmes que d'hommes. Mais c'est un sport qui est considéré comme un sport féminin. Qu'est-ce que ça nous dit, peut-être avant de parler du football féminin proprement dit, de la vision qu'ont les États-Unis du soccer? Pourquoi est-ce que aux États-Unis le soccer n'est pas un sport viril? Pourquoi est-ce que c'est un sport qui est adapté, si je puis dire, aux femmes? Alors, cet exceptionnalisme américain, il a plusieurs sources. D'abord, la place du soccer, elle est occupée par le baseball, qui naît avant le football association. Donc ce sport populaire, finalement, il peut pas se développer. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que le soccer est le sport des immigrants. Donc il a quand même des bases qui sont extrêmement fortes. Et puis, évidemment, la figure de la virilité est incarnée par le football américain. Donc le soccer ne peut pas l'occuper. C'est ce qui donne, évidemment, cette place particulière au football association soccer aux États-Unis. Thierry Théré? Oui, on est dans deux écosystèmes totalement différents en Europe et en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, le football américain en particulier est le symbole par excellence de la masculinité, de la virilité. Et compte tenu de cette saturation de l'espace sportif, de l'espace culturel, l'invention ou la réinvention du football s'offre comme une ouverture possible pour les femmes. Et cela sera d'une certaine manière accompagné politiquement par ce qu'on appelle le titre 9, le Title 9, qui est la volonté politique aux États-Unis de permettre le financement des pratiques sportives féminines dans les universités et les collèges. Et ça va provoquer un immense engouement pour cette activité qui s'offre à ce moment-là comme une opportunité. Donc les années 70 sont celles de la montée en puissance du soccer féminin aux États-Unis. Ce n'est pas encore le cas en Europe, ça viendra 10 à 15 ans plus tard. Et oui, et c'est d'ailleurs en 1999 qu'une ministre des Sports française, qui s'appelle Marie-Georges Buffet, va se rendre justement aux États-Unis et donner cette interview à France Inter. J'étais à Los Angeles pour d'abord intervenir sur le rôle des gouvernements pour développer le sport féminin, puisque la Fédération internationale de foot veut développer le foot au féminin, et puis j'ai assisté à la finale de la Coupe du Monde de football féminin. C'est un enthousiasme extraordinaire, c'est-à-dire il s'est passé aux États-Unis ce qui s'est passé chez nous pour la Coupe du Monde masculine. J'espère que le foot féminin va se développer également en France. Je crois que ce serait une bonne chose. Là, il y a eu une victoire de l'équipe féminine américaine contre la Chine, c'est oui, ça oui, oui, oui. Mais dans un délire total. Ah oui, dans une très bonne ambiance, formidable. Voilà un extrait d'un entretien donné par Marie-Georges Buffet à France Inter. Nous étions le 12 juillet 1999. Elle évoquait la promotion du football féminin en France. Camille Martin, vous n'êtes pas encore intervenue parce que vous êtes sociologue et pas historienne et vous avez travaillé sur le contemporain justement de ce football féminin en France. On peut dire que la politique qui se met en place justement dans cette fin d'année 1990, début d'année 2000, est une politique volontariste du gouvernement français sous l'égide de Marie-Georges Buffet ou peut-être d'autres ministres pour pouvoir promouvoir ce sport féminin et particulièrement ce football féminin. Camille Martin. Oui, très clairement, la tendance à une politique volontariste d'égalité homme-femme dans le sport commence effectivement dans les années 90, mais c'est en fait à partir des années 2010 et 2014 très précisément que dans le cadre des conventions d'objectifs qui lient le ministère chargé des sports et les fédérations sportives, eh bien, ces fédérations se voient dans l'obligation de mettre en place un plan de féminisation. Elles se voient dans l'obligation, c'est-à-dire oui. qu'elles n'ont pas le choix, il faut qu'elles y aillent, quoi, c'est ça? Tout à fait, ouais, pour la convention d'objectifs 2014-2017, pour la première fois, les fédérations ont cette obligation, et donc obligation qui concerne non seulement la pratique sportive, mais aussi la formation des entraîneurs, des encadrants et encadrantes du football féminin, et puis également les arbitres et l'arbitrage en général. Oui, on sait combien le plan Boulogne, on en parlait hier avec François Darrocha, de systématisation d'une formation en France dans les années 60 et 70 a beaucoup compté pour l'émergence d'une nouvelle génération de joueurs et une équipe de France qui a été, disons, plus à la hauteur de ses concurrentes dans le monde entier qu'elle ne l'était auparavant. On peut se dire que là, il y a peut-être un exemple qui a été saisi par les gouvernements successifs pour pouvoir mettre en place la même chose pour le football féminin. Oui, ça renvoie aussi au statut de fédération délégataire, hein, que sont les fédérations sportives, donc qui reçoivent délégation de l'État pour développer le sport. Et certainement, on peut. Alors, il faut espérer que l'équipe de France réussisse cette année, mais quand on voit notamment l'évolution de la composition de l'équipe de France, on voit que finalement, des milieux de plus en plus populaires sont touchés, en quelque sorte, et que le même phénomène, finalement, et notamment, on voit beaucoup de jeunes femmes qui sont issues de familles immigrées, on voit finalement le même phénomène qu'on a vu 15, 20 ans plus tôt dans l'équipe de France masculine. Thierry Théret. Oui, on a manifestement franchi un palier, même si force est de constater qu'il y a toujours une concentration autour de quelques clubs. Les meilleurs, ça reste l'Olympique de Lyon et puis Paris. Il faut aussi se méfier de ce lien que l'on fait entre la visibilité médiatique et puis le nombre de licenciés. Du point de vue du nombre de licenciés, on est passé en gros de moins de 30 000 licenciées féminines il y a au début des années 2000 à plus de 160 000 aujourd'hui, donc c'est considérable. La médiatisation du foot féminin est bien postérieure à cela. Donc il faut déconnecter les deux. Et la principale fédération féminine aujourd'hui, c'est l'équitation, qui ne bénéficie pas de très fortes audiences à la télé. Oui, Camille Martin, je crois que dans son travail, Laurence Prudhomme, au début des années 2000, disait 2% de joueuses de licenciées femmes pour la fédération donc de football. Vous avez chiffré ça à 6 ou 7%, c'est ça maintenant, à peu près quelque chose comme ça. En effet, oui, donc on a quand même une croissance assez exponentielle, surtout depuis 2014. Vous parliez tout à l'heure de cette date de 2014 comme étant volontariste, pourrait-on dire. Et là, ça augmente de 15% par an, c'est ça? Oui, en effet, là, on est sur des taux de croissance réellement impressionnants, en particulier chez les plus jeunes joueuses. Des taux de croissance de l'ordre de 20% par an sur ces dernières années, sur les 6-13 ans, quelque chose comme ça, qui est une croissance vraiment inégalée pour une catégorie d'âge. Et en fait, ce qui me semble assez frappant, c'est que jusqu'en 2011, moment où se met en place réellement la politique de féminisation de la fédération, les pics de croissance du foot féminin se font à l'occasion des grands événements sportifs masculins. Comme souvent. Voilà, mais masculins. Ah ouais. Et puis, pics qui sont en fait pour les effectifs masculins compensés dans les années qui suivent par des abandons massifs. Si bien que les effectifs stagnent globalement, tandis qu'en féminin, on se rend compte que ces pics de croissance, eh bien, en fait, sont pas compensés par ces abandons massifs, et donc participent comme ça d'une augmentation globale des effectifs au cours du temps. Victor Massel d'Épinay. Alors, la promotion du football féminin en France par la Fédération française de foot n'a pas toujours non plus été exempte de tout reproche. On a commencé l'émission dans les années 20 avec certains stéréotypes de genre sur la féminité, sur les femmes qui devaient rester à la maison pour broder, etc. La FFF à quelques années, a développé un programme, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui s'appelait le foot des princesses, avec des affiches roses, et on dit aujourd'hui beaucoup que les joueuses de football sont priées quand elles viennent à la télévision d'être féminines, d'avoir des hauts talons, d'avoir des jupes, d'avoir les cheveux très longs, si possible détachés, qu'elles attachent en match. Est-ce que il y a encore des choses de cet ordre-là que vous observez, Camille Martin, ou est-ce que ça c'était déjà il y a une dizaine d'années et qu'on commence à s'en détacher? Non, je pense que cette tension interne à la fédération existe toujours entre des tenants de la féminisation de l'activité au sens symbolique, rendre l'activité en accord avec la socialisation féminine supposée et en fait naturalisée des jeunes filles, et puis d'autres qui veulent, un peu comme je le disais tout à l'heure, calquer les dispositifs de féminisation sur ce qui a été fait pour le masculin et éviter un peu ces effets normatifs. Oui, c'est très étonnant de voir que toute l'équipe de France de football féminine porte les cheveux longs, par exemple. Ça ne doit pas être un hasard, en l'occurrence, Thierry Théré. Je ne sais pas. Il peut y avoir la pression de la mode. En tout cas, réglementairement, tout est autorisé. Mais en effet, la Fédération française de football a développé une stratégie dans les années 2010 qui, pour le coup, est discutable. En tout cas, elle nous interroge. Quand Adriana Carambeu a été choisie comme ambassadrice du football féminin en 2010, c'est intéressant parce que elle est à la fois mannequin, donc on renvoie encore à la dimension esthétique, et puis elle est femme de footballeur, et pas n'importe qui, un champion du monde, femme de. Et cette femme de, donc on a à la fois la dimension. Quand on sait ce qu'il y a de la dimension genrée des femmes de footballeurs et donc, les jeux qui ont été faits autour de ces femmes. L'esthétique et l'épouse. Ce sont bien les deux stéréotypes dont on parlait tout à l'heure pour les années 20. Paul Yetchi. Oui, dans un autre registre, ce qui est intéressant, c'est de voir les journalistes femmes de football qui envahissent maintenant les plateaux télé et qui suivent un peu ces mêmes codes. Hein. En général, ce sont de jeunes femmes avenantes, avec les cheveux longs, et qui sont là peut-être parce qu'il faut qu'il y ait une femme, et ça donne un peu un décorum à l'émission. Donc les mentalités, on le voit, n'ont pas beaucoup changé, y compris dans les médias. Camille Martin, dans votre travail de thèse en sociologie, je rappelle que vous avez soutenu, et maintenant vous êtes docteur en sociologie du centre Max Weber à l'École normale supérieure de Lyon, autour justement de ces relations entre fédération, gouvernement et foot féminin, vous avez mis l'accent sur les conseillères d'animation technique régionale féminine, les CATRF, donc qui sont donc chargées par le fait qu'elles sont des femmes, par le fait qu'elles sont dans les instances, par le fait qu'elles ont été choisies comme bénévoles et volontaires pour pouvoir promouvoir le sport féminin et le football féminin au début de leur carrière, mais qu'elles ont ensuite progressé à l'intérieur de la structure en passant des brevets d'État comme les hommes d'une certaine façon. Et vous êtes attaché à ces femmes-là et au discours qu'elles tenaient, à la façon dont elles se comportaient au sein de cette fédération de football, et c'est fort intéressant. Alors effectivement, ces conseils d'animation technique ont été vraiment les actrices de la féminisation entre les années 2000, période où ces postes ont été créés, et puis encore à l'heure actuelle. En réalité, ces postes-là tendent à disparaître, puisque avec le plan de féminisation, l'idée a été de gérer les pratiques féminines et les pratiques masculines conjointement, c'est-à-dire que de plus opérer de découpage sexué des pratiques, mais au contraire de gérer ensemble les pratiques. Et donc ces salariés qui ont fait réellement beaucoup pour le foot féminin, qui sont par ailleurs qui avaient des postes vraiment inespérés en fait au sein de la fédération, en étant les premières femmes conseillères techniques régionales, c'est-à-dire responsables régionales du football féminin, se voient aujourd'hui tendanciellement, ou risquent en tout cas de se voir relégués à des pratiques encore moins légitimes sportivement, que sont par exemple les pratiques handisport, le cécifoot, que serait également le beach soccer par exemple. au gré de l'installation du football féminin dans la fédération. Ce que vous pointez du doigt aussi, c'est que ça n'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles n'ont pas une vision, elles aussi, naturalisée du football féminin. Vous dites que certaines d'entre elles disent quand on est des femmes, c'est des choses qu'on sait. Donc il y a comme une sorte d'entre-soi féminin qui justifie la façon dont on considère les joueuses féminines, que par exemple elles ne sont pas très favorables à la question de la mixité pour certaines d'entre elles dès le plus jeune âge, alors qu'on pourrait penser que peut-être oui. Et en fait, vous pointez du doigt justement par les entretiens que vous avez pu faire en sociologie avec ces conseillères d'animation technique régionale féminine, une vision un peu particulière du football féminin. Oui, je pense qu'il y a deux effets qui jouent. D'une part, elles ont des positions réellement inespérées, comme je disais, au sein de la fédération. Et puis, elles ont elles-mêmes été joueuses, donc avec un peu cette espèce d'évidence naturaliste qui existe dans le sport. L'idée que les hommes et les femmes ne sont de fait pas les mêmes naturellement, etc., qui est vraiment très forte dans le sport. Et puis, donc ça, c'est, je pense, un des éléments qui participe à ce type de raisonnement. Et je pense que l'autre élément, c'est aussi pour elles la volonté de garder leur poste et de se constituer une espèce de niche professionnelle, en fait, en gardant une espèce de spécificité féminine sur la gestion des pratiques féminines. Thierry. Oui, plus généralement, ce qu'on appelle l'ordre du genre, hein, ces relations qui sont sur un point d'équilibre entre le masculin et le féminin, les hommes et les femmes, cet ordre du genre est évidemment contesté. Mais dans la grande majorité des situations, aussi bien masculines que féminines, il fait consensus. Il fait consensus parce qu'il est complètement intériorisé, il est complètement intégré, absolument. Oui, Paul Dietschy. Oui, ça montre que les choses évoluent finalement assez lentement. Et puis il y a aussi un fait, me semble-t-il, qui est important, c'est que toutes ces femmes qui prennent des responsabilités, qui ont été joueuses, viennent en général de familles de footballeurs. Hein, c'est pas forcément une revendication féministe de jouer au football. C'est d'abord un goût, hein, et qu'on va adapter finalement selon ce que l'on considère être une femme, en quelque sorte. Camille Martin. Oui, effectivement, je pense qu'on est plus sur un discours d'amélioration de la qualité de la pratique pour les joueuses, d'ouverture à toutes, plutôt que proprement sur un discours d'égalité, et encore moins effectivement sur un discours féministe, mais qui est aussi assez stigmatisé en fait dans un sport masculin comme ça, quoi. Une archive qui date d'il y a quelques années et qui a fait beaucoup de débats à l'intérieur des fédérations internationales et des fédérations nationales autour du voile. Beaucoup de réactions après la décision de la FIFA d'autoriser le port du voile dans les compétitions féminines de football. Les pays du Golfe, notamment, applaudissent des deux mains. À l'inverse, les féministes crient au scandale. Elles parlent d'une régression pour les femmes. Écoutez Annie Sugier, qui est la présidente de la Ligue internationale du droit des femmes. Elle est au téléphone de Binti Diallo. Je suis scandalisée. Le fait que des femmes portent un costume différent de celle des autres est en soi quelque chose d'évidemment choquant, puisque tout le monde ne va pas être sur un pied d'égalité. Ensuite, ça signifie l'entrée de ce qu'on peut considérer comme le porte-drapeau, non pas de la religion musulmane, mais des islamistes. Donc, on voit que malgré des règles qui interdisent toute expression politique ou religieuse, que ce soit dans le stade olympique ou dans les terrains de foot ou dans d'autres disciplines, eh bien, les instances internationales sportives s'écrasent devant les dictats des pires dictatures de ce monde. Encore une fois, on oublie l'histoire. Ça n'est pas un progrès, c'est une régression. Là, la cause des femmes qui, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, se battent pour être à égalité avec les autres femmes du monde, eh bien, on est en train de les tuer, elles, symboliquement. Voilà, donc c'était en 2012 la décision de la FIFA de pouvoir porter un certain type de voile pendant les matchs de foot féminin a fait couler beaucoup d'encre. C'est aussi le fruit, Paul Dietschy, de la mondialisation du football. On ne peut pas imposer un ordre universel au football, ça doit être c'est très compliqué pour des raisons ne serait-ce que culturelles. Comment peut-on faire que toutes les règles soient les mêmes dans le monde entier? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, pour la FIFA, le football féminin, ça a toujours été une histoire de géopolitique. Si la FIFA a intégré le football féminin, c'est parce que il y avait un problème en Asie avec une fédération de football féminin asiatique, des conflits entre la Chine populaire et Taipei. Et donc, pour régler cela, eh bien, la FIFA a intégré le football féminin. Il n'y avait pas du tout, dans les années 80, il n'y avait pas du tout de volonté de promotion féminine. Et puis pour que effectivement toute la péninsule arabique puisse participer au football et à la grande fête du football, comme on dit généralement, y compris le Qatar avec la Coupe du Monde en 2022, Ce qu'on voit, c'est finalement la fin, enfin, la continuation de l'influence prise par ces fédérations depuis les années 70. Dans cette affaire-là, je crois que la fédération jordanienne a joué un rôle très influent. Alors, ça pose plusieurs problèmes. Les défenseurs du hijab footballistique disent finalement, sans cela, les femmes ne pourraient pas jouer au football. Et notamment dans un pays comme l'Iran, où beaucoup de femmes sont passionnées. Mais évidemment, on aurait très bien pu interdire cela en disant que c'était pas hygiénique et surtout que ça gêne la pratique du football. Hein, lorsqu'on a en quelque sorte la tête entravée par un hijab, comment faire une tête ? Oui, la présidente Annie Sujet, qu'on a entendu tout à l'heure, tient une position tout à fait cohérente depuis plusieurs années. Elle montre tout à fait dans un petit livre récent sur islamisme et olympisme que on a en gros deux positions. L'une universaliste, de la laïcité, et l'autre différentialiste. Or, cette position différentialiste est portée davantage par les nations anglo-saxonnes, et c'est celle qui a été finalement portée et imposée auprès des instances sportives internationales, qu'il s'agisse du Comité international olympique ou de la FIFA. Et d'où cette bascule, avec l'autorisation du hijab depuis maintenant 5 ou 6 ans, et on est en plein dans l'actualité, parce que les Iraniennes et les femmes d'Arabie Saoudite, hein, qui sont les deux pays concernés, on pourrait les voir, alors pas lors de la Coupe du Monde, elles n'y seront pas, mais aux Jeux Olympiques de 2024, en étant voilées. Est-ce que des questions comme celle-ci, c'est-à-dire comment, est-ce que les questions de la société rentrent à l'intérieur des questions posées par le football féminin tel que vous l'avez pu le voir, Kaïmi Martin, est-ce qu'on en débat, est-ce qu'on discute de ces questions de voile ou d'autres questions de ce type, parce que on ne peut pas être un sport et totalement coupé du reste du monde, en l'occurrence Kaïmi Martin. Oui, j'imagine que l'idéal d'apolitisme du sport est clairement pas inapplicable. Clairement, voilà, clairement pas appliqué. Et, bon, après, moi, j'ai plutôt observé les relations vraiment très quotidiennes au sein de la fédération, et donc pas forcément ces grandes questions qui se pose comme ça, de manière un peu massive. Quoi. Oui, Victor Massé-Dépinay. Oui, peut-être que c'est le moment de signaler l'exposition qui a lieu en ce moment à l'Institut du Monde Arabe, Foot et Monde Arabe, et en particulier peut-être mardi prochain, pour ceux qui peuvent aller voir, le 30 avril après-midi, il y aura sur le City Stade qui a été installé sur le parvis de l'Institut du Monde Arabe, un tournoi de foot féminin, donc foot à 5, ouvert aux plus jeunes, puis aux seniors. Mais je voulais vous demander peut-être, pour terminer, une question à tous les trois. On a beaucoup hésité en préparant cette semaine de football à faire une émission sur les styles de jeu, sur l'histoire des styles de jeu. On la fera un jour prochain. Qu'est-ce qui manque, peut-être que c'est une question fausse, mais qu'est-ce qui manquerait au foot féminin pour qu'on puisse faire cette histoire des styles de jeu dans le football féminin? Est-ce qu'on peut la faire? Est-ce qu'il manque de l'épaisseur historique ou est-ce qu'il manque de la littérature savante sur le sujet? On a l'impression que le foot féminin est toujours, même quand on en parle dans les journaux, bon, on le raconte, mais on ne le dissèque pas, on ne l'intellectualise pas comme on a pu le faire du football masculin à partir des années 60-70. Paul Yetchi, brièvement, qui a été... En même temps, dès les années 70, beaucoup de journalistes regrettent par exemple que les Italiennes jouent comme les footballeurs italiens, le Catenaccio, etc. et veulent justement voir dans le foot féminin une manière de dépasser finalement les impasses du football masculin. Donc c'est un débat qui a existé finalement depuis assez longtemps. Thierry Théry. Oui, l'histoire des styles de jeu a été faite pour la forme dominante masculine, en partie dans la thèse de Laurent Grune, qui a étudié l'histoire des entraîneurs. Tout à fait envisageable, évidemment, de le faire spécifiquement pour le jeu féminin, dont on sait qu'il est, en Europe en tout cas, une sorte de copier-coller des formes masculines, mais avec des évolutions notables vers davantage de spécificité depuis une dizaine d'années. Est-ce que parmi les conseillères que vous avez donc croisées pour votre travail de thèse en sociologie, Camille Martin, il y a justement une théorisation des styles tels que de la manière dont on joue, de la façon dont on se comporte sur un terrain, etc. Est-ce que vous avez pu discuter avec ces conseillères d'animation technique régionale féminine de ces questions-là? Oui, je pense qu'il y a un peu l'idée un peu idéalisé, je pense, d'un foot un peu éthique par rapport au football masculin, ouais, qui est aussi très clairement lié à naturaliser les caractéristiques féminines, mais qui aussi, je pense, est lié à l'idée que les enjeux financiers sont encore moins importants qui est un peu une espèce d'idée un peu générale, mais qui malgré tout structure pas mal les discours, je pense. Et qui peut-être pourrait changer si les enjeux financiers devenaient de plus en plus importants, ce qui peut arriver à l'issue de cette Coupe du Monde féminine qui va commencer le 7 juin prochain. Merci beaucoup Camille Martin d'être venue présenter votre thèse en sociologie. Vous êtes docteur en sociologie du Centre Max Weber à l'École Normale Supérieure de Lyon. Quant à vous Thierry Théret, eh bien, on pourra lire avec beaucoup d'intérêt votre travail sur l'histoire du sport paru pour la 6e édition, je crois, c'est ça, dans la collection Que sais-je, aux presses universitaires de France. Et quant à vous, Paul Dietschy, eh bien, votre histoire du football est disponible dans la collection Tempus en poche. Nous continuons demain avec vous, Victor Massé-Lépiné. Oui, demain, on partira un peu dans les tribunes du stade de football et on s'intéressera aux supporters. Au supporterisme. Et merci à vous, Mélodie Auru, d'être venue lire ces textes des années 20 et 30 autour du football féminin. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Nasser Moussaoui nous a accompagnés à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter cette émission sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous avez été nombreux à réagir à l'émission d'hier avec François Darrocha, donc elle aussi vous pouvez la réécouter. Puis vous pouvez réagir à cette émission d'aujourd'hui sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, sur le réseau Twitter. Nous avons atteint 10 000 followers sur ce réseau pendant cette nuit, donc l'adresse de la Fabrique de l'Histoire sur Twitter, c'est Fabrique FC, Fabrique FC.